Est-ce que tu crois qu'un jour là sur le bas-côté tu me laisseras sans voix, sans rien que du sable entre mes mains, que des marais d'écume. Est-ce que tu crois qu'un jour là comme un vieux seigneur saignant tu me laisseras en croix éclater la lumière de nos corps dans l'écume, dans des marais d'écume. Est-ce que tu crois toujours qu'on peut vivre d'amour? Ouais, quand l'eau n'est plus fraîche, qu'on laisse échapper le cœur. Trop de sang dans l'écume, des marais d'écume. Est-ce que l'on tiendra assez loin? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce que tu sauras nager loin? Est-ce qu'on se prend pour mieux se laisser tomber comme des poussières de Dieu? Y a plus que des cendres entre nous deux, entre les flots et les crocs rétines. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tout ça vaut la peine? Tiendra le chemin, est-ce qu'on s'en souviendra après? Est-ce qu'on ouvrira les yeux demain? Est-ce qu'on se prend pour mieux s'oublier? Est-ce qu'on aurait pu s'aimer mieux? Mieux souffler les braises entre nous deux. Y'a plus que des flots et des crocs à nos rétines. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Ça valait la peine.